un métier, une passion, en compagnie de Marion Massé du laboratoire de planétologie et de géodynamique de l'Université de Nantes. Marion Massé, comment êtes-vous devenue planétologue ? Alors, un peu par hasard, en fait, au début, puisque je n'étais pas du tout partie pour faire ça. Donc, j'aimais bien l'astronomie quand j'étais petite, mais pour moi, c'était un peu devenir cosmonaute. Ça ne paraît pas réaliste, donc je n'étais pas du tout partie pour ça. J'étais partie pour être infirmière. Et puis j'ai loupé mon concours au début, donc je me suis inscrite à l'université en attendant et j'ai eu une section qui s'appelait Sciences de la Terre et de l'Univers. Et comme il y avait univers dedans, je me suis dit, oh, c'est chouette, je vais apprendre des choses. Et donc je me suis inscrite là. Et puis ça m'a plu, donc finalement j'ai continué. Donc c'est un hasard complet. C'est un hasard complet. C'était une passion, l'astronomie, mais j'imaginais pas du tout en faire mon métier. Oui, ça paraît un métier inaccessible. Je pense que quand on est enfant, ça paraît pas. C'est un rêve d'enfant ou une passion, mais ça paraît pas être un métier. Et alors donc, c'est la découverte finalement de ce cours à l'université vous a ouvert les yeux sur le fait que c'était possible, c'est ça ? C'est à ce moment-là que vous avez dit... En fait, on rencontre des chercheurs aussi, et du coup, j'ai rencontré donc ces chercheurs qui étaient au laboratoire de Nantes et qui étaient planétologues et qui travaillaient sur les planètes tous les jours et dont c'était le métier. Donc je me suis dit, finalement, pourquoi pas ? Ce métier existe. et ces chercheurs ne vous paraissaient pas totalement inaccessibles ? Ouais, voilà. Et puis, donc c'était un cursus de géologie aussi. Donc j'aimais bien la géologie. Donc je suis partie là-dedans. Donc les trois premières années étaient plutôt de la géologie. Et puis le master était plutôt planétologie. Et donc j'ai commencé à travailler sur Mars au laboratoire, donc en master pendant un stage. Et donc après, j'ai continué par une thèse sur Mars dans ce même laboratoire. Est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui ont été importantes ? C'est-à-dire que, bon, vous parlez de master, vous parlez de thèse, c'est pas non plus obligatoire que quand on entre en première année d'université, on se retrouve à faire une thèse à la fin. Est-ce qu'il y a eu des moments, des rencontres déterminantes, des gens en particulier qui vous ont orienté ou qui vous ont en tout cas encouragé à poursuivre dans cette voie, à démarrer une thèse par exemple ? Au début, en licence par exemple, la recherche apparaissait quand même quelque chose d'assez abstrait, donc je me suis posé la question de si je voulais vraiment faire la recherche. Donc là, j'avais fait un stage aussi, mais sur la sédimentologie de la baie du Mont-Saint-Michel, rien à voir encore, mais où j'ai rencontré des chercheurs qui faisaient un métier qui me plaisait effectivement, donc je me suis dit pourquoi pas la recherche. Et puis pour mon stage de master, donc j'ai fait mon stage de master avec Stéphane Lemoly, qui est un chercheur de Nantes et qui m'a vraiment transmis sa passion et l'excitation aussi de participer à des missions spatiales et de découvrir le sol d'une planète qu'on n'a jamais vue. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et puis lui et mon futur directeur de thèse, donc, qui était Olivier Bourgeois, m'ont poussé aussi à faire une thèse et à continuer dans cette voie-là. Comment ça se passe quand on commence une thèse ? Vous aviez un sujet précis, une question à résoudre ? Comment se fait l'articulation entre le master et puis le début d'une thèse ? Alors pour moi, il a été plutôt simple dans le sens où ma thèse a été un peu la continuité des deux stages que j'avais fait auparavant. Donc du coup, j'avais déjà mis un peu le pied dans le sujet. Après, j'avais effectivement un sujet au départ, donc je me souviens même plus quel était ce sujet, puisqu'en fait, le sujet a quand même pas mal bifurqué pendant ma thèse, tout simplement parce que tout d'un coup, on découvre quelque chose d'intéressant, et finalement, on change un peu du sujet de départ, et on part plutôt dans ce qu'on vient de découvrir. Ça, c'est intéressant, ça fait partie du processus dans une thèse qui est intéressant de pouvoir réorienter son sujet, ou alors que c'est inquiétant, comment on vit ça Non, c'est pas inquiétant. Je pense que quand les chercheurs donnent un sujet de thèse, ils sont pas sûrs de toute façon des résultats qu'on va obtenir dans cette thèse. Donc si tout d'un coup, au fur et à mesure de l'exploration du sujet, on trouve quelque chose qui est vraiment très intéressant, on dit « bah oui, vas-y, bifurque là-dedans et continue ». Et à la fin, ça fait toujours un sujet cohérent et qui donne des résultats intéressants. Alors il y a quand même, vous disiez que vous vouliez être infirmière quand vous étiez plus jeune. Là, vous faites de la recherche en planétologie et vous travaillez sur Mars. L'écart peut paraître incroyable. Est-ce qu'il y a des livres aussi qui vous ont inspiré, qui vous ont orienté? Ou qui vous ont aidé à progresser en fait dans cette voie de la recherche en planétologie pendant ma thèse ou avant, parce que vous aimiez l'astronomie, vous m'avez dit quand vous étiez enfant. Je peux pas me souvenir en fait vraiment des livres. Par contre, je me souviens en fait tout simplement, mon père avait un collègue de bureau qui était passionné d'astronomie et qui avait plein de livres d'astronomie dans son bureau. Et donc, quand j'étais jeune et que j'allais le voir au travail, j'allais lire ses livres d'astronomie qu'il me prêtait régulièrement. J'aimais bien les jolies images de planètes et de nébuleuses. Après, par la suite, non, c'est un ensemble de livres et de documents. Et puis, bah, effectivement, quand j'étais étudiante et que j'ai commencé par me passionner pour la planétologie, je me suis abonnée à Ciel et Espace aussi pour suivre les... Ah, saine lecture, saine lecture. très bien. Aujourd'hui, alors vous êtes donc docteur en planétologie, vous êtes postdoc. Alors, c'est un terme que les auditeurs ne connaissent pas forcément. Qu'est-ce que c'est qu'un postdoc, un postdoctorat ? Alors, un postdoctorat, en fait, c'est tout simplement un CDD de chercheur. Hein. De toute façon, quand on a fini une thèse, donc on est chercheur. Et puis, après, comme dans tout travail, le gros du problème est de trouver un CDI, ce qui est très compliqué. Et donc, on a tout simplement des CDD de chercheurs. Alors, la particularité, c'est que très souvent, ces CDD se font à l'étranger. C'est pour avoir un poste en France, souvent, c'est bien d'avoir une expérience à l'étranger pour voir comment ça se passe dans d'autres laboratoires, pour découvrir le fonctionnement de la recherche aussi ailleurs et développer des collaborations à l'étranger. Donc, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai fait donc des post-doctorats aux États-Unis, en Pologne, à Paris, avant de revenir à Nantes. Aux États-Unis, vous étiez dans quel laboratoire ? Et vous travailliez sur le même sujet que celui de votre thèse ou vous devez changer de sujet ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, ça dépend. Il y en a qui continuent toujours sur le même sujet, d'autres qui changent. Moi, j'ai plutôt changé un peu. Quand j'étais en thèse, je travaillais beaucoup sur les glaces martiennes et les sulfates. Quand je suis partie en post-doctorat, donc je suis arrivée en Arizona et donc je suis arrivée au laboratoire qui gère donc la caméra ERAS, qui est la caméra haute résolution sur Mars. Et là, j'ai commencé à travailler donc sur les écoulements actuels à la surface de Mars. Donc j'ai changé de sujet. J'ai continué à travailler sur ces écoulements pendant 3 ans après. Et maintenant, depuis que je suis revenue à Nantes, je travaille carrément sur autre chose. Je travaille sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Ah oui, donc un sujet totalement différent, passionnant aussi. Après, les techniques finalement d'observation sont les mêmes. On les adapte aux planètes, mais les techniques d'observation sont les mêmes. Et puis, moi, mon sujet de départ était quand même la glace. Et moi, je retrouve des surfaces glacées et je travaille sur le même type de structure finalement. C'est intéressant de changer de planète comme ça ou alors vous devez pas tout réapprendre, parce que vous venez de me dire qu'il y a quand même beaucoup de choses en commun, mais c'est quand même un autre contexte, non ? Moi j'aime bien, je pense qu'après ça dépend des gens, mais moi j'aime vraiment bien changer de thématique de temps en temps. Après je pense que quand on est chercheur, on développe aussi une capacité d'adaptation à un sujet ou à un autre, et puis ça permet de prendre du recul aussi sur les précédents sujets. Et puis en planétologie... Enfin, j'ai trouvé ça rigolo aussi de partir sur les satellites de glace, parce que sur Mars, on a quand même beaucoup d'informations, on a beaucoup de données, on a plus vraiment de zones inconnues, en fait. Alors que sur les satellites de glace, on a encore des zones presque inconnues, presque jamais observées, et c'est excitant aussi. L'exploration, voilà. L'exploration est intéressante. Voilà, ouais. Alors Marion Massé, donc vous êtes postdoc, donc c'est toujours la même chose dans un parcours de chercheur. À la fin, théoriquement, en France, on termine avec un recrutement comme astronome ou comme ingénieur ou comme maître de conférence. Vous êtes dans ce parcours-là. C'est un parcours qui est long en général quand même. Oui. Donc moi, ça fait 6 ans que j'ai terminé mon doctorat. Donc j'ai effectivement toujours pas de poste fixe en France. Et effectivement, c'est un parcours qui est très difficile dans le sens où il y a très très peu de débouchés en tant que chercheur, que ce soit au CNRS ou en maître de conférence. Les débouchés sont vraiment très rares. Il y en a beaucoup moins que de chercheurs qui cherchent du travail, en tout cas. Donc bon, il y a d'autres possibilités. Il y a aussi des postes d'ingénieurs en recherche qui sont aussi très intéressants. Donc, on continue à faire partie d'une équipe et puis à supporter le travail des chercheurs en traitant des données. Mais c'est quand même un parcours difficile, oui. Après, il ne faut pas oublier que c'est une expérience professionnelle et qu'on peut la valoriser dans d'autres domaines aussi. On a appris beaucoup de choses, mine de rien, pendant ces expériences. Et on peut tout à fait rebondir et trouver du travail dans d'autres domaines. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un auditeur au lycée, par exemple, ou au début de ses années universitaires qui rêverait, comme vous, à la même époque, ou sans trop y croire, en tout cas, à ce genre de métier, quel conseil vous pourriez lui donner ? Bah, je lui donnerai le conseil que moi, on m'a toujours donné et qui, je pense, est un bon conseil, qui est de suivre ses passions. Parce que quand on travaille sur quelque chose qui nous passionne, on avance et on fait du travail plutôt bon en général. Quand on... Et puis, c'est bien aussi d'avoir un travail qui nous passionne tous les jours et de faire ça tous les jours. Donc, même si les débouchés sont difficiles, moi, par exemple, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce parcours et je conseillerais à quelqu'un qui a envie de le faire, de le faire. Il ne faut juste jamais oublier que ben, les débouchés sont difficiles quand même, mais que c'est pas grave en fait, qu'on peut trouver du travail avec les compétences qu'on aura acquises, mais qu'on aura travaillé aussi pendant des années sur des choses qui nous passionnent. Et je pense que malgré tout, on continuera toujours à travailler sur un domaine qui nous passionne. Très bien, merci beaucoup. Donc, suivez vos passions, c'est le conseil de Marion Massé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au micro de Ciel Espace Radio.